J'ai un drôle de pressentiment en dedans, comme si ça voulait exploser par ma bouche. J'ai un drôle de sentiment quand je vomis par terre. Ça fait une grosse plaque, puis tu vas piler dedans. Dans la flaque, flaque, flaque, flaque, flaque, flaque. Dans la flaque, flaque, flaque, flaque, flaque. J'ai vomi sur le tapis. Ça sentait pas très bon. Oh non. Oui, c'est un vivant dans ta vie, c'est un vivant dans ta vie.